La Terre, au péril de sa propre vie. C'est qui Deimos? C'est un clone de Goldorak, mais plus gay. Ah, j'ai envie de voir ça. Fait qu'on va écouter notre grand classique, Saumon, ici, qui chante pour nous. Calmo, c'est son figure au point. Y a-t-il quelqu'un qui a peint? Non. Non. Non. Plein de bon sang. De quoi? Je l'ai dans le sang. C'est sans bon sang. Elle est toute gênée. Je donne le minimum. Le minimum. Je me sens comme un vrai homme. Vive comme un fun. Au maximum. 70%. C'est surtout Simon. Surtout Simon, il est bon. C'est lui le patron. Simon, Simon, Simon, Simon. Oh oui, moi Simon. Donc, Simon, aujourd'hui, à 70%, on a trois amis, dont une qui fait pipi assis, en fait. Oui, enfin, on a une invitée féminine, une nouvelle chroniqueuse. Ça fait on a fait place plaisir. Aux femmes. Enfin. Ça va bien, Pascal? Ben oui, toi. Là, hey, c'est la présentation, Simon. Là, tu dis, on a Pascal, on a Jonathan, on a Jean-Michel en studio. Tommy va nous parler des Commandos de l'ombre, des Shepherd Boys. Et puis, on va interviewer nos trois amis. Et moi, je vais avoir quelque chose sur hip-hop et rock. C'est ça que tu dis. Puis après ça, ben moi, je dis quelque chose comme bon, on va écouter la première chanson de la journée qui est assez mauvaise, merci. Donc, on va écouter Paulette Flouche Flouche qui termine une époque de ma vie. Je viens de perdre ma job dans le quartier gay. Fait que je viens de te montrer comment ça marche, mon gars. On écoute Paulette. Tu vois, Tommy, c'est surtout Simon. Surtout. Je m'appelle Paulette, je suis une tapette, la vie sans qui est. Et j'ai décidé de me marier pour devenir vedette. Comme Eve et Adam, on prend des enfants avec la côtelette. Pas besoin de pédule, ni de vasectomie, on est des tapettes. Flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche. Flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche. Le monde est bien crasse, faut nous comprendre, parce qu'on est des grands. Nos amours d'oiseaux, même si on n'a pas d'ailes, c'est de branche en branche. On est bien tannés de se faire maganer, nous laissons des forces. Qu'un jour on se battra, un frein d'Ottawa, ministre des tapettes. Ah ouais, la grosse lâche pas, hein. Des petites filles soufflées dans vos flèches, hein? Ah ouais, j'en fais ma toilette. Onche! Bon, ben là, c'est assez, c'est assez. Monsieur l'agent, tu nous termines un petit peu quand même. Hé, hey, la grosse, donne-moi dans la note! Je m'appelle Paulette, je suis une tapette, la vie sanguinette. Je suis marié, mais ça va pogner, je suis pas encore vedette. Je pense que je vais lâcher, puis je vais faire comme tout le monde, sans prendre une blonde. Il y aura tout ce qu'il faut et qui sera bien fait, mon diable est tapette. Flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, flouche. Non, ben, non, hein? C'est fatigué, fatigué, hein? Bon, ben, c'est plus rien à faire. Et n'appelez pas, Claude, n'appelez pas. Vous écoutez le poste H-O-M-O. Et toute ressemblance avec des personnalités existantes n'est que le fruit de votre imagination. C'est triste, mais là, on va retourner en studio. Je rallume les micros. On vient de tout le monde passer au travers de Paulo Noël et son super hit, Paulette Flouche Flouche. Et oui, je viens de perdre mon emploi de serveur dans le quartier gay. Je m'ennuie déjà de tous ces messieurs qui se donnaient des becs et qui se donnaient des petits coups de main comme ça, là. Tu le fais bien. Oui, hein, ben, je veux dire. Faudrait dire à tous nos auditeurs que nous habitons respectivement sur Baudry, sur Saint-Christophe, en plein cœur du village gay. Mm-hmm. Le carrefour du mal. Le carrefour du mal, mon Dieu! Et toi, Jonathan, tu travailles quand même au coin de, je crois, de Wolf et de Sainte-Catherine? Oui, c'est une zone très énervée du quartier en tant que telle. Une zone érogène. Oui, et comment s'appelle cet endroit? Oh, ben, ça change sans arrêt de nom, mais ça s'appelle en ce moment l'entrepôt du DVD. L'entrepôt du DVD. Et mon Dieu, on a quasiment de l'inspiration ici sur l'entrepôt du DVD. Beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Hein? Ouais. Ça fait... Tu peux pas appeler ça la belle patate frite. Ça marcherait pas dans le club vidéo. Surtout que l'entrepôt, il y avait l'entrepôt avant dans le village qui a fermé, malheureusement. Et, oui. Bien sûr. Rendu le cabaret Mado, je crois. Absolument. Tout à fait. Comment ça, Parce que j'ai déjà fait un spectacle là et j'essaie de l'oublier. je viens d'ouvrir mes emails là, parce que j'allais chercher une petite compilation de Serge Lemince, mais là. Nous sommes heureux de vous accueillir 70% pour une autre session dans nos studios. Ça veut dire qu'on va avoir encore notre émission. All right! Yeah! 70%! Et puis on vous promet de revenir avec un concept tout frais, amélioré, tout différent. Il rit, hein? Ah oui, c'est ça. Il crampe et bien l'aide. Fait que, hey boy, c'est de la voix de radio, ça. Reparlons encore un peu. Comment? J'aime mieux celle-là, moi. Ouais, c'est ça. Donc, Jean-François, bien sûr, j'ai présenté Jean-François, Jean-Michel tantôt, mais... Oui, mais c'est pas grave, c'est de bonne guerre. Au Vietnam, il t'appelait Johnny, de toute façon. Ah oui, ça... on essaie de pas parler, s'il vous plaît. Fait que, Simon, une petite nouvelle pour commencer, briser la glace. Oui, absolument, dans la plus pure tradition de 70%. Écoutez, on a ici la tentative originale d'une Chinoise qui a essayé d'apprendre à son chien à conduire en lui confiant le volant. Alors, cette tentative sacré lamentablement échoué. Excusez, d'habitude, je parle, mais là... Donc, c'est ça, son fidèle compagnon a immédiatement provoqué un accident avec un autre véhicule. C'est ce qui a été rapporté par l'agence officielle Chine Nouvelle, n'est-ce pas? Alors, cette dame qui habite à Ornot, ça s'appelle Madame Lee, c'est en Mongolie intérieure en fait, puis elle s'est défendue en expliquant à la police que son chien était très très intelligent. Mais comment t'expliques ça à tes assurances? Hey. C'est comme le vagabond. Tu mettras le vagabond tantôt, t'as mis, on va y penser. Que ça serait pertinent. Hein? Non. Pis, c'est ça, puis que le chien avait pris l'habitude de la regarder conduire, voulant même jouer avec le volant. Alors, c'est ça, samedi passé, elle a décidé de lui faire confiance. Elle s'est gardée quand même dans un éclair de génie. Elle s'est gardée l'accélérateur puis le frein. Mais elle a laissé le volant. L'expérience a tourné court, évidemment, parce que la voiture en a percuté une autre. Il n'y a pas eu de blessés, mais l'agence Chez Nouvelle qualifie évidemment la femme d'absurde, puis cette dernière s'est engagée à payer les frais de réparation. Moi, j'ai hâte de voir ton comique de la semaine s'il est encore plus imbécile que ça. Mais cette dame, enfin, c'est... Moi, je pensais qu'en Chine, on les mangeait, les chiens. Okay. C'était déjà horrible, mais là, on dépasse, on les fait conduire des voitures. Oui, c'est ça. Là, ils vivent le stress de la circulation et tout et tout. Hey, tout le monde ensemble, on va voter à main levée. Là. J'ai une toune soit de Dinosaur Junior, soit une toune de 13 Engine. Oh, des affaires que je connais. Ouais. Pas main levée de pan, tout ça. Ah ouais, ben 13 Engine, moi, y aller avec mon collègue. On va écouter un petit peu de Jonathan Fru. Prochaine fois, c'est toi qui as choisi, mon gars. Fait qu'on va écouter un petit peu de Michel Fugain, le Big Bazar avant, là, puis après ça, on va revenir à 70%. Ils font l'amour le samedi. Spreads out like Il a échoué. À l'aube, je vais le traquer comme un animal et j'accrocherai sa peau au mur. Vous n'aurez pas à le traquer. Pourquoi? C'est lui qui vous trouvera. Vous êtes fou. Un homme seul contre des commandos d'élite. Mais pour qui prenez-vous cet homme? Dieu. Non, Dieu aurait pitié. Non. Oh, check ça, la tonne de fond que je nous ai trouvé. Ça s'appelle Porn Groove. Ça vient de Orgasmo, un film de Trey Parker et Matt Stone. Oui. Oui, c'est un très, très, très bon film, ça. Puis il y a même Ron Jeremy, ouais. Le 9 pouces, qui fait des roundhouse, là. On parle pas de pizza ici. Non, non, non, on parle pas de pizza. Non. On parle de dentition. Bon, justement, avec nous cette semaine, on a une chroniqueuse qui va nous parler de courrier du cœur, de ces choses-là, de sexualité, de place de la femme ou de la surplace de la surfemme dans la société. C'est ça, Pascal? Ouais, ben c'est plus l'homme qui est comme oublié dans les dans le couple, la femme qui porte les culottes aujourd'hui un petit peu trop à mon goût. Ok, Tommy, je t'ai trouvé une amie. On pensait que t'étais misogyne, mais non, t'avais peut-être. On pensait que t'étais misogyne, mais non, il y avait peut-être une raison. Il y a peut-être une raison valable de croire ça en arrière. Peut-être, peut-être. Explique-nous ça, Pascal, parle-nous-en. Ben, tout le monde connaît des couples que la femme elle tient le fouet, puis l'homme il est là, puis ah, il sait juste plus où se mettre, puis il fait tout ce que la femme veut. Mm-hmm. Right? Ah, toi, tu lèves ta main. Tout le monde lève sa main. Ah. On n'a même pas demandé de vote et tout le monde lève sa main. C'est à cause que l'autre il est là. Guillaume arrive! Ah, ok, ok. Continue. Les gens étaient d'accord. Non, c'est mais moi... toi, tu dois porter les culottes dans le couple, hein? Oui, c'est ça, des fois. Non, okay. Non, c'est bon. Puis c'est ça, puis je trouve que c'est dommage parce que je sais pas si c'est la révolution féministe qui a amené ça, mais aujourd'hui, les hommes sont vraiment à genoux devant les femmes. Okay. Je trouve que c'est plate parce que t'as-tu vu la pub? T'as le char, la fille, elle met son bagage dans son char en arrière, puis le gars, elle parque le char, le gars, Ouais, elle kidnappe finalement le pilote. Ouais, tu sais, l'annonce avec mes bagages. Moi, je trouve ça pas si pire parce que si, ici, il y a une inversion des rôles sexuels. C'est que l'homme devient l'objet de désir. Puis moi, si une femme, si j'étais son objet, ça, surtout celle qui est dans la pub, ça me dérangerait pas. Ouais, mais toi, Simon-Pierre, c'est pas pareil. Tu t'as pas peur d'aller approcher une femme aujourd'hui, là. Il y en a plein qui se demandent, ça leur prend un. Ah non, moi je te garantis. Dans le cul pour la prochaine fille. Je te garantis que ça prend une coupe de bière pour faire ça. C'est ça. Fait que c'est la femme aujourd'hui qui est le boss, là, qui va. Toi, tu peux m'approcher ou non, tout se joue dans le regard avant. Puis si tu peux m'approcher, je vais te faire signe. Mais sinon, viens pas m'approcher, sinon tu vas avoir mon point d'en face. Ouais, non, je suis d'accord dans un sens avec ce que tu dis, mais j'aurais pas mal plus mis en exemple les annonces de Canadian Tire, les nouvelles annonces. Tu sais, avec le gars moustachu là, qui regarde la cour en arrière, puis que c'est sa femme qui dit ouais, faudrait que tu ailles acheter des bebelles, puis que tu me fasses ça comme du monde. Il y a l'autre pub de Hyundai Accent avec le couple qui rentre dans la voiture, puis le gars, il est à la place du conducteur, puis il commence à checker les gadgets, puis à trouver ça trop cool. Puis à un moment donné, la fille qui fait une petite tape sur la main comme ça, puis c'est. Ben c'est le, tu sais, puis elle est en crise parce que le gars il check les. Ils sont où nos machos aujourd'hui? Il y en a plus de ça, c'est tout des hommes roses, des hypersexuels, des métrosexuels. Puis de toute moi, je veux pas aussi, un gars qui s'épile les jambes dans mon lit, là. Ce qui est pas mieux aussi, c'est le macho. Je veux dire, le macho, c'est juste l'inverse du stéréotype. C'est comme si un gars ne pouvait pas être lui. Tu vois, ouais, il faut qu'il réponde soit à le stéréotype de l'homme rose ou ben non, un tas de poils viril qui a pas de sentiment, mettons. Moi, je m'ennuie des tas de poils virils sans sentiment. Mon Dieu! Tu as besoin d'une claque? Oui, il m'en donner une. Dans le fond, Pascal, tu as posé une couple de questions à Guillaume puis Jean-François qui sont ici parce que les deux sont en couple depuis assez longtemps. En humour seulement. En humour seulement. Oui, seulement. Aussi, non, mais pour vrai, ça prend. C'est qui la femme entre vous deux? Aucun, je pense. On est deux gars. On est-tu deux gars, Jeff? Faudrait que je regarde mon livre de carnet de santé. OK, ouais. Je suis pas sûr encore. Ben, je pense que c'est écrit sur ton permis de conduire. C'est ça plus proche. Ah, c'est pour ça le M. Ah, OK. Je voulais dire que vous aviez des blondes, pas que vous étiez ensemble. OK. C'est compliqué. On a des rusés en studio avec nous ce soir. Absolument, tout à fait. Mais dis-moi, Pascal, où est-ce que tu penses que ça vient, ça, ce mouvement-là? Mais c'est sûr, les femmes ont été super longtemps réprimées. Puis là, avec la révolution féministe, ben, ils ont voulu avoir du pouvoir. Fait qu'on leur a donné beaucoup de place. Mm-hmm. Je trouve ça super bien, les femmes, égalité, les hommes, ça, je remets pas ça en compte. Mais peut-être que je trouve qu'on écrase trop l'homme maintenant. Fait qu'est-ce qui va arriver? Va-t-il avoir une révolution masculine pour. On s'en vient-tu là pour que l'homme ait encore sa place? Mais le masculinisme, c'est né dernièrement. Ça existe. Ouais, mais ça, tu vois, je savais pas. Ben, regarde, il y a ça. Il y a des organismes comme Fathers for Justice. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'organisation-là, Fathers for Justice en particulier? Les autres, ils veulent une visibilité pour avoir leurs droits, mais je trouve que des fois, ils s'y prennent pas de la bonne manière parce qu'ils ont de la. Excuse-moi, là, mais plus fou que d'autres choses. Le gars qui va se mettre en haut d'un pont, là, je m'excuse, mais tu sais, viens, on va te remettre un enfant dans tes bras après, oui. Mais à la base, est-ce que tu crois que leurs revendications sont justes? Oui. Est-ce que tu crois que les juges donnent à peu près pas la garde ou qu'il devrait y avoir une vraie on garde partagée? On s'entend-tu que c'est pour le bien-être de l'enfant? C'est sûr que si le père ou la mère n'a pas d'allure, si un des deux parents n'a pas d'allure, donnez l'enfant à l'autre. Mais si son père est capable de s'en occuper, ben donne-y. De sages paroles. Quelqu'un a des enfants ici? Non. Pas encore. Okay. Tu le sais pas, dans le fond. Okay. Non, c'est pas marqué, c'est le permis de conduire. Parents divorcés. Mais en veux-tu un, toi, Guillaume? Éventuellement, oui, j'aimerais ça. Mais je pense que je vais être un bon père. Regardez, cette remarque-là m'amène à une autre question. C'est que, est-ce que tu crois que les mouvements féministes font en sorte qu'expliquent la dénatalité au Québec? C'est ta dernière avant la prochaine toune. Oui, absolument. Okay. Je dis trop souvent absolument. On me l'a reproché. Alors, je veux dire probablement. C'est ça la terme que j'utilise maintenant. Névralgiquement. Inoxydablement. Alors, Est-ce que tu crois que le féminisme est la cause de la dénatalité, la cause première au Québec? Non, je crois pas. Ben oui, dans un sens, la femme veut faire tout ce qu'elle veut faire dans sa vie avant d'avoir un enfant. On s'entend? Quand tu vas avoir tout accompli, qu'est-ce que tu vas accomplir? Le rendu à 40 ans, c'est plus le temps, là, je m'excuse, là, mais... Il y a bien des chances que tu ne l'ailles pas, ton bébé. Ça joue avec ça. Là. Surtout quand tu as passé 10-15 ans à courir après une promotion, tu l'as, tu ne lâcheras pas pour. Mais c'est ça, là. C'est pas bon pour tes petits ovaires en même temps de courir tout le temps de même non plus. Aussi. Alors, Tommy, on poursuit en chanson? Oh oui, je vais même demander à Jean-Rodrigue ici d'introduire la toune numéro 1. Oui, c'est une chanson qui s'intitule « Une autre Française de moi », une chanson faite pour les femmes battues. Donc, c'est un petit peu en lien avec le sujet qu'on vient d'avoir. Et puis, entre ça, je vais parler un petit peu des Shepherd Boys. Donc, on écoute... Excuse-moi, Jean-Didier. Une autre Française de moi. Une autre Française de moi. Merci, on vous revient à 70%. De retour à 70%, assez touchant un petit peu. C'est quoi ça? Ça a rapport avec Marie Trintignant? Oui, exactement. À l'époque, on avait écrit ça un petit peu avant un spectacle, vite, sur le coin d'une table, une chanson pour témoigner en ça. On trouvait ça un peu chien, hein, j'avoue. C'était un peu rough, mais avec le recul, après 3-4 ans, ouais, c'est déjà ça, un ça peu moins. C'est une production originale de vous, là. Oui, exactement. Bon, excellent. Bon matin. À part la musique. Bon. Puis aussi, ça pourrait venir en lien avec ce qu'on se disait tantôt. Pour pas que les hommes, justement, qui sont à côté au pied du mur, font des conneries. Mmh. Dans le fond, il faut communiquer avant que ça arrive. Dit, ça. Donc, c'était pour ça qu'on a mis la chanson. C'est tout beau tôt. On va en reparler un petit peu de vos créations personnelles tantôt. Parce que là, je veux comme retasser mes extraits. On va parler des Shepherd Boys rapidement, vite fait. Vous allez voir, ça va faire très mal. Les Shepherd Boys, sur le dessus, il est écrit « Le courage était la seule arme qu'ils possédaient ». C'est l'histoire d'une bande d'anarches de poli qui commence à se masturber, à fumer des cigarettes. L'histoire, c'est qu'il y a deux gros motards à la virilité très discutable. On les appelle les Kings and Queens, les Kings and Queens. C'est des messieurs virils avec des messieurs moins virils. Donc, ça fait quatre messieurs qui vivent dans une tente. Et puis, le but des Shepherd Boys, qui sont des anarches de la poli, qui viennent de commencer à se masturber et à fumer des cigarettes, c'est d'aller mettre le feu dans la tente. Et donc, on a un film d'une heure et demie dans lequel une gang de petits jeunes qui, comme je l'ai mentionné avant, viennent de découvrir les plaisirs du gland et du botch. Décide... Tu contre la masturbation, là? Ah non, j'ai absolument rien. Okay. Mais je veux dire, c'est parce que c'est le corpus du film. Okay. Les garçons, là, je vais lire le résumé parce que je veux parler du punch final juste après. Des garçons qui deviennent des hommes. Parce que oui, j'ai l'original. Vous le voyez, c'est beau. C'est du bon moins 6. Donc, des garçons qui deviennent des hommes. Deux groupes s'opposent, les Shepherd Boys et les WAP. Se mettre à dos un leader de bande pour ensuite devenir son meilleur ami est une situation plutôt rare. Nick mérite bien sa place au sein de la clique des Shepherd Boys. Mais les choses se compliquent lorsqu'un groupe de motards reviennent en ville. Age, parce que c'est le nom du... Moi, je disais Age, mais c'est Age. Oh. Conserve un secret profond concernant ses allées venues avec eux. L'objectif des boys, bannir ses moteurs une fois pour toutes. Après maints efforts, ils se lancent à la guerre du plus fort et obtiennent une belle leçon de bravoure. Visant les groupes d'adolescents, ce film rappelle aux amateurs de la vidéo plusieurs œuvres de la tradition de Les Inadaptés et The Warriors. C'est vraiment extrêmement mauvais. Le punch final, en fait, c'est que le gros combat, là, l'ultime, le paroxysme de la victoire, c'est qu'ils réussissent à mettre le feu dans la tente.

Allô? On est en studio. On est toujours à 70%. Ben ouais. On est en onde. C'est un des beaux moments de ma vie là, que je suis en train de vivre. Ah oui? Je suis en train de regarder le sourire merveilleux de Guillaume. Et... Puis le mien. Ah ben, t'es caché en arrière du micro. Ah ben là, ça a de l'allure. Ah, ah ben là, par contre, ah, Simon, t'as l'air heureux toi aussi. Oui, ben en parlant de gens qui qui vivent les plus beaux moments de leur vie, j'aimerais parler de M. Hugh Hefner. Qui à tous les jours, il vit un beau moment de ça. Qui a découvert le Viagra. Oui, il a 80 ans passé, ce gars-là. Alors, le mythique fondateur de l'empire du sexe Playboy. Il chante les louanges des trois sculpturales de jeunes femmes qui partagent sa vie et son lit et à qui il attribue son étonnante vitalité. Alors, il a reçu plusieurs médias français et il était entouré de Holly, Bridget et Kendra, qui ont respectivement 26, 32 et 21 ans. Et il a affirmé que vivre avec ces jeunes-là lui permet de rester jeune. C'est le secret de sa longévité. Il dit qu'il ne sait pas si le sexe est meilleur qu'il y a 20 ans, mais sa vie est meilleure qu'il y a 20 ans. Oh, c'est beau. Ouais. Il dit qu'il a essayé toutes les variantes. Il confesse également avoir vécu jusqu'à 7 femmes en même temps. Bon. OK. Mais il dit qu'il y avait des conflits parce qu'elles ne s'entendaient pas toutes. Donc, il a décidé de réduire la voilure, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y en a que 3. Alors, seulement. Oui. Alors, Monsieur Hefner, c'est ça. Il a lancé une émission de télé-réalité qui s'appelle Les Girls de Playboy, n'est-ce pas? Holly Madison, ben Holly, c'est celle qui a 26 ans, c'est sa préférée. Il dit que F est captivant et que même s'ils vivent, c'est ça, un ménage à plusieurs, que leur relation est quand même une relation de vraie famille. Alors c'est ça, la jeune femme venue au monde dans les contrées reculées de l'Alaska s'est fait décerner le statut de favorite par M. Hefner. La doyenne du trio, c'est Bridget, celle qui a 32 ans, je vous ai dit, n'est-ce pas? La doyenne a 32 ans. Oui. Alors, Bridget est née dans la campagne californienne. Elle, c'est plutôt la blonde écervelée et frivole. Tandis que la jeune Kendra, de 21 ans, qui vient de San Diego, en Californie, elle affiche perpétuellement son envie de faire la fête et de profiter de la vie. Alors, c'est ça, c'est incroyable. Vraiment, dans aucun de mes rêves, je n'imaginais vivre ainsi. On lançait en chœur les trois jeunes femmes de leur voix sûre et aiguë, éclatant de rire à tout propos. Mais elles sont... elles font apparemment des efforts désespérés afin de ne pas trop bouger les muscles de leur visage par peur des rides. Wow! Alors, c'était pour vous rapporter cette petite nouvelle, ce qui s'est passé dans le merveilleux monde de Playboy. Fait que je vais arrêter de te faire des sourires. Je sais pas, moi, trois femmes avec un vieux monsieur, il y a un petit peu d'argent en arrière de ça, certain. Non, c'est l'amour. Ah, ben oui. L'amour, c'est ça qu'on appelle l'amour. Ah, bon, oui. Il y a assez d'amour pour que divisé en trois, il n'aille chacun assez. Ouais, exactement. C'est merveilleux. On devrait tous se vivre. Ouais. C'est correct. Il y a droit jusqu'à 4, en autant qu'ils aiment de façon égale. Parce que sinon, les madames, elles se sentent négligées. Non, mais il y a quand même un employé du mois dans les trois. Fait que, tu sais, ça reste bizarre. Il n'y a jamais une petite jalousie qui s'installe. Oui, en fait, oui. Les filles, on est bitch, on est réputées pour ça, là. Oui, absolument. Il y a une jalousie qui s'installe. C'est que Holly, qui est la favorite, elle se plaint parce qu'elle n'a pas de grande chambre à elle tout seule, vu que c'est la favorite, elle dort avec Hugh. Fait que c'est ça, tu sais, qu'elle a moins de temps pour c'est elle. C'est donc triste. Ça, ouais. T'as l'air de les connaître personnellement, toi? Je connais ça. Okay. C'est pas ça que je voulais dire. Je m'excuse. Le chasseur du sac. Non, ça doit être assez difficile de vivre avec trois filles différentes, tu sais, surtout dans la même maison comme ça. Moi, surtout... j'y arrive bien. Non, mais c'est sûr, mais je veux dire, avoir trois blondes, là, ça a l'air le fun de même, là, mais imagine s'ils se font un complot, tu sais, des trois contre le gars. Tu sais, mais c'est lui qui fait l'argent. Là. Ouais, mais si les filles veulent avoir la cash pour le tuer à cause de ses assurances, tu sais, puis. En tout cas, j'ai peut-être regardé trop de films, là, mais... Arrête de raconter tes histoires personnelles, là. Guillaume, ça va être mis à prix. Apparemment que c'est tout un séducteur, mais... Bon, messieurs, on a les hystériques avec nous en studio. Alors, notre nouveau qui vient d'arriver, vous êtes Monsieur Guillaume, c'est ça? Exactement, OK, Guillaume. Alors, on a Jean-René avec nous, ainsi que Jonathan. Jonathan oui, Barbe. Est-ce que tu as un lien de parenté avec Jean-Barbe? Oui, c'est mon... grand cousin, si on veut. Ah, OK. Je pensais que tu allais dire oui, c'est mon idole, Jonathan. C'est mon idole aussi, okay. Un très bon auteur. Toi, ton rôle là-dedans, Jonathan, tu es? Moi, je suis producteur. T'es hein, producteur. Chose genre. Là. Tu produis le show? Là, mais plusieurs rôles. Ouais, genre, on a lancé ça fait 3 ans, ouais. Chose genre. On a commencé ça, petite salle à Laval, après ça, un petit peu plus grosse salle. On a commencé à ramasser des gars du circuit Juste pour rire avec nous autres. OK. Des petits noms. Puis on a abouti finalement au Café Campus cet hiver avec Peter McLeod, Maxime Martin. Oh, ouais. C'est le show des hystériques. Là. Cool. Ouais. On a fait du bon stock. Fait que là, ça, c'est les deux hystériques qu'on a avec nous en studio, oui. là. Oui. OK. Ouais. OK. Ouais. Qui crient de leur voix suraiguë. Non, non. Je veux une chambre grosse. Arrête-toi, toi. Ouais. Mais bon, alors, messieurs, bon, en quoi consiste votre humour? Comment est-ce que vous construisez votre humour? Ben, en réalité, notre en réalité, notre humour, c'est on peut partir n'importe quoi, dans le fond, qui peut être drôle, on va le faire. C'est pas autant de l'absurde que du stand-up. On peut faire du sketch comme du vidéo, de l'audio. Si on a une bonne inspiration, on l'écrit dans notre rubrique que ça va. Puis quand on peut le faire, on le produit. Puis that's it. Sinon, on essaie de l'incorporer en scène. Vu que c'est plus facile pour l'instant de se produire sur scène, donc on va faire plus de l'absurde, puis du sketch monologue, là, pour... Puis ça, arrête, puis un peu de vidéo sur scène, c'est. OK. C'est aussi, on fait ça. Okay. T'as à peu près combien de shows à ton actif? Ah, mon Dieu, 3 ou 4, certain. Non, Party de Noël, ça compte pas, ça. Ah, non. Ouais, devant la famille, non, ça compte pas, malheureusement. Ben, je sais plus, hein, non, on les compte plus, ben. On a fait pas mal. Il y a quelque chose comme au moins 7 shows qui est hystérique, des gros galas. Ouais. Et après ça, tout ce qu'on fait à l'extérieur. OK. Il faut dire qu'ils ont animé tous les shows à date. Eux autres, les animateurs, fait qu'on produit quelque chose comme un bon 40 minutes de matériel à chaque fois. Ben, je te dirais, en réalité, à tous les fois qu'on a un nouveau show des hystériques, c'est du nouveau matériel. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps le même monde qui revient. Fait que, okay. C'est pas de refaire 8 fois le même sketch. Je pose la question, les gars. Tu sais, souvent, mettons, les gens ils vont avoir un numéro sur un sujet particulier. Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, ils vivent dans la vie de tous les jours, puis ils vont prendre des notes quand ils pensent à quelque chose de drôle, puis ils mettent ça dans leur notepad, puis après ça, ils assemblent tout ça. Tu parles d'un processus de création, mettons, là? Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est sûr, là. Nous autres, c'est, la vie nous alimente, nous donne beaucoup de cues en tant que tel. Moi, je travaille dans un restaurant, puis il y a toujours des événements cocasses qui se produisent. Puis je prends ça en note. On change juste le décor, le contexte, puis la joke reste la même. Okay. Comme la fois que t'as fait comme tantôt, puis que t'as mis ça dans la. Non, il faut considérer que Guillaume a une obsession intense pour les abeilles et Marie-Soleil tout gars. Fait qu'à ce moment-là, on se demande qu'est-ce qu'il vit comme vie. je vois pas de quoi tu parles, mais. Qu'est-ce que t'aimes mieux, les abeilles ou Marie-Soleil Touga? Parce qu'on a les mêmes passions. Bon, ben écoute, non, je pense que c'est un sujet un petit peu trop délicat sur ça, mais je pense qu'on va parler d'autres choses, si vous permettez. OK, on va parler de Marie-Soleil Touga, fuck les abeilles. Non, mais... Des blagues de table, tu sais, qu'on se fait des blagues, tout ça, mais des jokes qu'on peut pas faire live, tu sais. C'est ça. Okay. Dont une de Marie-Soleil que j'adore en particulier, puis là, je sais pas pourquoi que j'en parle là, c'est mon premier show en radio, genre, me semble que ça me met tellement dans l'envers. Ah ouais. Non, je fais pas. Mais Non. Ah ouais, mais toujours est-il que on s'amusait à faire des les pires. Il était en train de me dire non sur mon show. Non, mais regarde, de toute façon, on pourra pas faire une joke de Marie-Soleil Touga, elle est partie en fumée, cette joke-là, on pourra pas jamais en faire, c'est fini, c'est certain. Toujours est-il que c'est ça, on se faisait des soirées comme ça, puis là, Joe était là, il a entendu une de nos blagues comme ça, mais je pense, je vois pas pourquoi on parle de ça. Non, je sais pas pourquoi on la ferait, celle-là, ça sachait de la faire un peu, mais vous allez réfléchir à ça, là, on va mettre Porno for Pyro. On s'en va tout. J'ai une joke de Camille Numéro, vraiment. Porno for Pyro. Okay. C'est la toune, l'album et le groupe qui s'appelle Porno for Pyro. D'ailleurs, t'en rappelles-tu de cette joke? Moi, je m'en rappelle. Non, moi non plus. Ah, c'est ça. Ils ont dit non à 70%. Yeah. ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies. Neuf pence. Je ne suis pas mort. Quoi? Non, c'est rien. Voici vos 9 pence. Je ne suis pas mort. Hé, hey, il dit qu'il n'est pas mort. Oui, il est. C'est faux. Non, il n'est pas. Oui, il le sera bientôt et il est très malade. Je vais mieux, c'est vrai. Non, c'est faux. Tu seras raide mort dans un moment. Je ne peux pas le prendre comme ça. C'est contre le règlement. Je ne veux pas aller dans la charrette. Oh, t'arrêtes de faire le bébé, oui. Je ne peux pas le prendre. Je vais très bien. Oh, rends-nous un petit service. Non. Alors peux-tu attendre encore quelques minutes? Il va se dépêcher. Non, je dois aller chez les Robinson. Il y en a 9 aujourd'hui. Et c'est quand ta prochaine tournée? Jeudi. Je crois que je vais aller me promener. Tu ne trompes personne, tu sais. Écoute, y a rien que tu puisses faire? Je suis joyeux. Je suis si joyeux. Ah, merci beaucoup. Oh, c'est rien. Alors, à jeudi. Ah oui. Oh, ça a été varié. Ça, on a eu des extraits de Monty Python and the Holy Grail version française. Ils ont entendu l'édition DVD de 2003 avant de finalement nous traduire ça en français. Quand même. Bon, on l'a eu. Fond sonore de Mega Man 3 ici. De quoi qu'on parle? Du comic de la semaine? Le comic de la semaine. Est-ce qu'on applaudit? Oui! Ouais! Olé! Olé! J'ai peut-être même une petite trame sonore pour le comic de la semaine. J'ai dit ça. Pas la tune Bayou Billy. Hein? Ah, elle serait hot, c'était bon, elle. Ah ouais. Du. Non, il y a peut-être ça ici, tiens, indicatif mystère 17 secondes. Le comique de la semaine. Eh bien, cette semaine, notre comique, c'est un pilote de Champ Car, comme vous avez deviné. Est-il francophobe? On ne le sait pas. Il s'appelle Paul Tracy. Vous avez tous entendu parler de Paul Tracy. Paul Tracy, déjà en 87, a failli se battre contre un certain Claude Bourbonnais, pilote québécois. Ben ils sont sortis de leur cockpit là, puis ça s'est poussé puis toute la kit. Ils finissent jamais vraiment par des coups de poing sur la gueule parce que Paul Tracy il nous reproche qu'on garde tout le temps nos casques, sinon il nous en crisserait tout le temps. Alors comme Don Cherry. Là. Exactement. Alors, oui. Alors bon déjà cette année il y a eu des intercades entre cet individu et Alexandre Tagliani. Il y en a eu également avec Stéphane Bourdais est le numéro 1 de cette série là de Champ Car, parce que ce qui arrive c'est que Tracy c'est un peu une espèce de à moitié entre kamikaze et fou furieux du volant, tu sais. C'est le gars qui est dans la chicane puis qui va bloquer en fait. Il se tassera pas. C'est ça, il se tasse pas puis en fait il rentre dans les autres, surtout s'ils sont pas très loin au classement au championnat des pilotes. Fait bon, après ça il a tenu, tu sais, contre Alexandre Tagliani, bon évidemment il était furieux de l'avoir sorti, mais ce qui est arrivé avec Bourdais par après, c'est que lui, il avait gardé son casque. Fait qu'après ça, lui il a dit bon, c'est les Québécois qui font ça, tous ceux qui parlent français ils gardent leur casque parce que sinon, tu sais, ils sont pas assez virils, tout ça. il a dit, dans le fond, j'ai mieux aimé qu'il garde parce qu'il allait m'embrasser sur les lèvres en parlant de French Kiss. Fait que c'est ça, il a remis tout le long. Et puis même que pendant le défilé des pilotes, avant la course cette semaine, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est habillé en espèce de lutteur, tu sais, en leggings puis en collant, ouais, bleu et blanc, avec le drapeau du Québec comme cap, puis un masque. Capitaine Québec, dans le fond. Ouais, exactement, un masque là, de lutteur aux couleurs du Québec. Fait qu'il a fait le tour en faisant des poses, tout ça. Bon, il y a un certain sens de l'humour, tu sais. Il y a un certain sens de l'humour. Mais figurez-vous donc que Paul Tracy s'est fait piéger par les justiciers masqués. Oh, non. Oh. Wow. Ceux qu'on aime là, ceux qui appellent du monde pour les écœurer, enfin, bon, c'est un autre genre d'humour. Ouais, mais nous autres, on fait pas de blagues sur le dos des gens. Non, exactement. Okay, non, ben notre humour, c'est peut-être pas nécessairement de faire chier le monde, mais bon. Ça, c'est parce que j'avais pas de téléphone. Ou en direct. T'es fou, on a un, tu viens de l'utiliser. Non. C'est parce qu'on a pas de talent. Tu sais, on va appeler les gens pendant que c'est l'heure de Virginie pour les écœurer pendant qu'ils écoutent. Puis vu qu'ils frustrent, on va passer ça en ondes. C'est selon Virginie. Là. C'est ça. Puis bon, en tout cas. Fait que les justiciers masqués, ce qu'ils ont fait, ils l'ont appelé. Il y a un des deux qui s'est fait passer pour le maire de Montréal. Gérald Tremblay s'est présenté. Il a dit bonjour, je suis le maire de Montréal. Gérald Tremblay. Un petit clin d'œil québécois ici. Puis ils l'ont fait patienter pendant qu'ils patientaient, pendant qu'ils étaient sur l'autre ligne. Ils ont mis The Frog Song de Charlebois. Oh, yes. Kiss me. I'm a frog. I'm a frog. Pas pire, hein? Kiss me. Fait que là. J'espère que c'est pas l'entièreté de la blague, là. Parce... Non, pas du tout. Non. Mais pareil, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont alterné des questions en anglais puis en français. Puis évidemment, ils ont des questions en anglais, il y avait de l'allure. Puis tout de suite après, c'est une question en français qui le bitchait. Puis vu qu'il pouvait pas comprendre, c'était drôle, tu sais. Fait que là, bon, en tout cas. Un peu comme Patrick Group avec Stock Weldé à l'époque. Ouais. Je trouve que c'est un peu le genre d'humour qu'on prend un sac de papier brun, on met un tas de marde dedans, puis on sonne à feu, puis après ça, on cogne à la porte, puis on sauve. Ouais. Les blagues de tu m'as fait confiance, fait que t'es con, c'est pas les meilleurs. Ouais, c'est sûr. Mais bon, non, il y en a quand même une pas pire parce que. Paul Tracy, il est pas payé quand même. Alors vas-y, mon. Ok, fait que. C'est ça, il a dit. Puis, est-ce que. Ils ont demandé si ça allait bien avec Alexandre Tagliani. Paul Tracy a répondu oui, nos femmes sortent puis ils s'entraînent ensemble. Fait que là, ils ont dit bon, on devrait y aller ensemble, moi puis toi, Paul et Gérard Tremblay, au 281. Il a dit ça en anglais, puis il a continué en français parce que t'as l'air d'un gars qui aime ça, les gars tout nus. Il a rien compris. Non, évidemment, il comprenait pas trop, mais bon, tu voyais le genre d'humour quand même. Ouais, fait que là, sur un ton très cru, ils ont continué, puis ils ont demandé, tu parles-tu français à cette cave? Je vais te montrer un mot, tabarnak. Comme dans Paul Tracy est un tabarnak. Fait que là, Tracy, ben, il a répliqué. Sais-tu ce qu'il a dit? Quoi? Il a dit, je connais ça, ce mot-là. J'entendais tout le temps Patrick Carpentier quand il était dans le champ, quand ça allait mal. Tabarnak! Il est pas pire, hein? Et voilà la répartie. Puis, il a dit, là, l'accent québécois parfait, en tout cas, Paul Tracy, comique de la semaine, c'est-tu dans le bon sens, c'est-tu dans le mauvais sens cette semaine? On le sait pas, mais. Sait pas, ben, il avait l'air hier à TV très très chummy, lui et Tagliani. Ils sont même donné un bec sur la joue et une grosse accolade. T'es-tu sérieux, hein? Oui, exactement. Puis ils se disaient même que leur femme avait été magasinée ensemble dans la journée. Ah, puis t'as-tu vu où il y avait sa main? Dans son casque. Ah ouais? Non, je sais pas. Non, c'est parce qu'il y avait la bande d'LCN en bas qui le cachait avec une la journée qui tournait. Fait qu'on n'a jamais vu. Oui. Fait que c'est quoi? T'en as-tu d'autres à dire? Ou Sur Paul Tracy, c'est terminé. OK. Est-ce qu'on passe à une petite chanson? On passe à une petite chanson. Là, vous êtes cinq. Là, on va y aller à voter à main levée. C'est quelque mon ami Gilles et Nicole ici. Country un petit peu drôlatique. On a le choix entre le camion de camion ou caporal capoté. Donc, caporal capoté pour tout le monde. Caporal on va capoté. Écouter les paroles un petit peu aussi. Sylvain Noël, qui est un ami que je vois sûrement pas assez souvent. Fait que oublie-moi pas, Véru Anal, à la prochaine. Allô, Powell. Allô, Vincent. Il avait bien l'allure sur son petit lopin de terre. Tirant des coups en l'air et arborant un casque dur, pensant qu'il était à guerre. Caporal de vocation, oh, capoté de réputation, dispense en 67, en train de faire la guerre au Vietnam avec les Viettes. C'est un bon diable, mais des fois il est l'enfer. Il se cache en tranchée avant que tout fasse noir. Cet Américain sans pur avait même miné sa terre. Ses chevaux sans trop le savoir, en trottant près de la clôture. Ramassait quatre fers en l'air. Caporal de vocation, wow, capoté de réputation, wow, dispense en 67, en train de faire la guerre au Vietnam avec les Viettes. C'est un bon diable, mais des fois il est l'enfer. Tranché avant qu'il fasse noir. Le Vietnam perdure, il ne peut pas s'empêcher d'y croire. Sur son sou d'armes vert, des médailles en toque pure, froid de sa grande carrière. Caporal de vocation, oh, oh, oh. Capoté de réputation, oh, oh, oh. Il se pense en 67, en train de faire la guerre au Vietnam avec les Viettes. C'est un bon diable, mais des fois il est l'enfer. Il se cache dans le plancher avant qu'il fasse noir. L'hiver est en dur, étendu sous un pied de neige. Passé outre dans son trou noir, confirmant que son futur était de mourir à guerre. Oh, oh, oh. Caporal de vocation, oh, oh, oh. Capoté de réputation. Je suis votre roi. Mais j'ai jamais voté pour vous. Mais on ne vote pas pour les rois. Alors, comment êtes-vous devenu roi? La fée du lac, les bras recouverts d'un sami d'une pureté chatoyante, extirpa des profondeurs insondables des eaux Excalibur, signifiant par la divine providence que moi, Arthur, je porterai Excalibur. Voilà pourquoi je suis votre roi. Écoutez. Une femme étrange qui surgit d'un étang en distribuant des épées n'est pas une base solide pour un gouvernement. Le pouvoir exécutif suprême découle d'un mandat reçu des masses, pas d'une espèce de cérémonie aquatique ridicule. Tais-toi ! Vous ne pouvez espérer exercer le pouvoir exécutif suprême parce qu'une pétasse mouillée vous a lancé une épée à la tête. Tais-toi à la fin ! Et si je me promenais partout en disant que je suis un empereur, seulement parce qu'une pauvre gonzesse mouillée avait lancé un cimetière vers moi, on m'aurait enfermé. Tais-toi, veux-tu bien te taire ? Ah, j'ai vu ses yeux. Ouf ! Maurice Richard. La rivière, le 16e. Oh, attention ! Oh, oui. Oh. Renversant superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un cinquième consécutif. Un septième pour l'équipe. Incroyable. $1,150. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. J'ai vu ses yeux. Ouf! Je m'ennuie de ça. Maurice Richard. All right, Serge Lemaitre, bien sûr, et son incommensurable. Incommensurable. Et ouais, c'est ça. Vraiment. En tout cas, sa façon bien à lui de transformer quelque chose de totalement lame en aventure extraordinaire. Donc, on a un fond sonore de Castlevania. Oh. Parfait. Pardon, Jonathan, t'as un appel à faire? Ouais. Dans le fond, un double appel. Ben, premièrement, les hystériques, on a fait une version diminuée de notre show. Donc, on n'a pas Peter McLeod puis Maxime Martin, mais on va avoir... La même staff, le jour binaire, exactement. On vient de Boulanger-Poitras. Dans le fond, notre équipe de base au Missibar, 250 Mont-Royal Est. 250? Puis il y a www.missibar.com. Vous pouvez voir les horaires, etc. Missibar, on va être là le 23 septembre. Est-ce que tu veux épeler Missibar? M-I-S-S-Y-B-A-R. Ok, c'est bon. Il a fait sa deuxième année, Jeff. C'est quelle date? Ah, c'est le 23 septembre. Le 23 septembre? Yes, on va à 7h30. À 7h30, ouais, c'est pour les couches-tôt. OK, puis le 23 exactement. Septembre, ça tombe un samedi, je crois. Un samedi, et voilà. Parfait. Vous, les gars, avez-vous un site web? Non, pas encore. On a un espace sur myspace.com, mais aux dernières nouvelles, je suis plus capable d'y aller dessus. Fait que moi, mon ordinateur, à matin, il a planté. Fait ils sont vraiment drôles, eux autres. En dehors de la technologie. En tout cas, moi, je fais de la programmation Internet. Ah, OK. Moi, je me cherche un show d'humour avec Kistiki, si jamais... Ben, mon Dieu! Non, lui aussi, il fait des jokes. Wow. Mais c'est quoi le. T'as quelque chose d'autre à oui, oui, c'est vrai. En tant que producteur, je suis cinéaste aussi. Je lance bientôt un show qu'on va tourner pour la télé. Ça va être présenté dans un bar. Okay. Des shows d'une heure. C'est une télésérie underground qui va s'appeler Racaille. Puis tu vas être présenté dans les bars. Oui, dans les bars. Cool. Dire, on le tourne pour les States pour essayer de vendre, mais sans ça, on le présente dans les bars au Québec. Puis c'est complètement en dehors des règles de l'UDA, en dehors des règles d'assurance. En dehors des règles de l'UDA. Oui, en dehors. Je mène le combat contre. Merci. Ouais, et Stéphane Benoît, est-ce qu'il est invité? Sébastien Benoît. Excusez. Ouais. Il est important. On l'invitera, puis on cherchera des affaires sur le bagel. Oh, ouais. Bon, Paul Tracy va être là aussi sur Tracy. Sais-tu où je te vois dans 60 ans? Avec trois sculpturales blondes platine à côté de toi. Et une montagne de vieilles gars. Ça me dérangerait pas, tu sais. Holy, Kendra, puis c'est quoi le nom? Brandy. Bridget. Absolument. Brandy, c'est bien. Ça a l'air tellement préfète. Hey, j'ai une excellente blague ici, je pense à ça. Savez-vous pourquoi les femmes ont la ménopause? Ah non, je l'aime pas, celle-là. Oh. Elle compte, là, quand elle est dégueulasse. C'est pour garder du sang pour les varices. Oh! Excellent. J'aime ton humour. Mon humour est cocasse. Bon, alors si vous voulez appeler, vous plaindre, c'est 514-987-3000, l'extension 16-10. Et on peut-tu passer en onde les plaintes? Ouais, ben ouais, oui, bien sûr. Si quelqu'un qui nous appelle au 514-987-3000, extension 16-10. Ouais. Si vous avez une bonne joke juste, pardon, si vous avez une bonne joke épaisse sur les gars aussi, allez-y. On est pas sexiste là-dessus. On est pas mal barré. Alors, ça m'amène à la pensée de la semaine. Ah. Ouh, avant d'aller en musique, ça va être tout triste. Oui, la pensée de la semaine, c'est sur la différence entre l'amitié masculine et l'amitié féminine. Alors, l'amitié féminine, c'est une femme qui n'est pas rentrée de la nuit à la maison. Puis là, le lendemain, elle raconte à son mari qu'elle a dormi chez un ami. Puis là, le mari appelle les 10 meilleurs amis, puis il n'y en a aucune qui confirme. Oh. C'est de l'amitié. Puis là, l'amitié masculine, elle, c'est un homme qui n'est pas rentré de la maison pantoute, de la nuit, du tout. Puis le lendemain, il raconte à sa femme qu'elle a dormi chez un ami. Puis là, la femme, elle appelle ses 10 meilleurs amis. Puis là-dessus, il y en a 8 d'entre eux qui confirment que le mari a dormi chez eux. Puis il y en a 2 autres qui soutiennent qu'il est encore là. Finalement, qu'est-ce qui est mieux? Peu importe. On est juste différents. Il n'y a pas de mieux là-dedans. Ah, oh, c'est bien. Ah, ouais, c'est bon. J'en ai pleuré. On vous revient à 70%. Ouais. On y va avec Love Cats, The Cure. Yes, on est de retour. Simon, tu vas nous parler d'une petite parenthèse, quelque chose à propos d'un chat, quelque chose. Là, ben, la toune de Cure, c'était Love Cats. Ouais. Fait que c'est ça, ouais. J'avais deux pensées de la semaine. Je sais pas si on va avoir le temps de faire les deux, mais ben, on va y aller avec la première. OK, vas-y. La première, c'est ça. C'est si, admettons, vous déménagez, parce que moi, je suis déménagé en fin de semaine. Et puis, il est beau ton appart. Oui, il est super beau. Et puis, que vous pouvez pas amener le chat avec vous parce qu'il est trop vieux, ou les chats, ils s'attachent à leur environnement, contrairement à ça. Ben, au lieu de s'attacher à leur maître, contrairement au chien. Fait que là, vous pouvez pas l'amener. Ce que vous faites, c'est qu'il y en a qui vont le faire euthanasier. Ça coûte 90$, ça. Ce que vous faites à la place, là, vous le laissez. Moi, je peux venir le prendre. OK? Puis là, vous me donnez 90$. Puis moi, j'embarque dans le truck. Puis je m'en vais, je dis que je m'en vais le faire euthanasier. Puis là, tu sais, c'est beau, c'est un beau petit minou. Fait que moi, je l'amène un petit peu plus loin. Je le pingue par le cou. Puis... J'aime ça, les chats, moi, Simon! Puis là, ben, c'est ça. C'est que tu le pingues juste en haut des deux bosses qu'il y a un petit peu en bas des nœuds. Ah, t'es dégueu! Puis il faut plus qu'ils se touchent, les bosses, après. Ouais, c'est ça. Ben, tu pingues, c'est ça, avec la main gauche, en collet. Puis juste l'autre bord, là, juste en bas des oreilles, OK, tu le serres comme avec une pince, là, avec ta main droite, avec la phalange, le côté de la main, de la frange, comme ça. Puis là, c'est ça, une bonne twist de à peu près 90 à 120 degrés. Puis c'est fait, puis là je garde le 90$. Bon, venez me le porter à moi, votre chat, moi je vais en prendre. Il y a autre chose que tu peux faire. T'aurais pu reculer dessus. Ouais, ou ben tu vas l'amener au buffet, puis il donne une cote de plus. Bon, ouais. ça peut être difficile. Sinon, il y a un autre plan, c'est d'apprendre à ton chat à conduire le char. Bon. C'est le conseil de la semaine. Ben, mais merci. Plaisant, ton conseil. C'est un beau conseil, ça peut servir. Hein? là, ici, je vais parler des commandos de l'ombre. Oui. Pour faire suite à ta viande féline. Ben, moi, c'est de la viande de ninja. Sur le dessus, c'est contre les terroristes. Ils frappent vite et fort et toujours de nuit. Les commandos de l'ombre. Tu vois, c'est approprié comme nom. Et puis là, bien sûr, j'ai encore l'original. Je vais vous lire le résumé tout de suite avant de passer à ma petite définition et puis aux extraits. Mené par la très sensuelle et très mortelle Kedicia, un groupe de terroristes arabes enlève la fille du scientifique Carl McMahon. Petite parenthèse, Carl McMahon est joué par Adam West, qui était le Batman des vieilles séries avec une belle bédaine. Autre parenthèse, le cliché que j'aimerais souligner, terroriste arabe. Ouais. C'est vraiment la diabolisation des. Oui, mais ça, gars, ça date de 1992, fait qu'ils n'ont rien inventé. Ouais. OK, donc, Carl McMahon, pour qu'il leur livre le code secret qui opère une arme terrible, le HL-2000, un laser holographique capable de détruire la planète. Ça, c'est utile de faire une arme qui peut détruire la planète. Moi, je trouve, en tout cas. Fait que le 2000, à la fin, là, c'est winner. Ouais. Ouais. C'est ça que ce laser-là, si c'est pas pour détruire la planète, c'est pour opérer la cornée, les yeux. Okay, Donc, les Américains dépêchent leurs troupes d'élite. À la tête du groupe, le beau et brutal Brett Cady, ex-agent de la CIA et expert en arts martiaux. Il y a aussi la super sexy Cléa, experte en électronique. L'excentrique Bomber, un inventeur qui adore jouer avec la mort. Aldo, le magicien faguette qui a appris au Vietnam tous les trucs pour disparaître. Ben, j'ai rajouté un mot dans la phrase. Et Socrate, un autre vétéran du Vietnam dont la brutalité, l'agressivité sauvage, la puissance physique sont une inspiration pour tous. Il aurait pu rajouter la moustache parce que Socrate a une belle moustache. Donc, la troupe a localisé les terroristes dans une forteresse au Mexique. Ça va barder. Un film d'aventure qui pousse le flot d'adrénaline à son maximum. Dans ce film-là, je sais pas si vous vous rappelez les versions de La famille Adams qu'il avait faites avec Raoul Julia il y a longtemps, qui étaient des excellents films. Mais il y avait le gars qui faisait le portier, là, qui était grand, qui était pas acteur. C'est ça, il était cool, lui. Ben, dans ce film-là, Les commandos de l'ombre, cet acteur-là joue l'espèce de bodyguard final de Kedicia, la très sensuelle et très dangereuse méchante. C'est l'histoire d'une fille de millionnaire qui se fait kidnapper. Déjà là, c'est jamais arrivé. Et puis là, on engage le meilleur des meilleurs pour une dernière mission. compétition. Le meilleur des meilleurs accepte, seulement s'il peut former l'équipe qu'il souhaite. Et puis là, ben, l'équipe, je vous en ai parlé, c'est un paquet de stéréotypes. Il y a seulement Aldo, le magicien faggot, qui est très, très, très particulier, parce qu'Aldo est un magicien. Je veux dire, d'habitude, c'est des experts en kung-fu, des ninjas, ou des experts en arts martiaux de bombes ou d'explosions, mais là... c'est Aldo le magicien. Sacré scénariste. Ah oui, c'est. Et puis, en tout cas, il y a une tendance particulière qu'on est Baudry à Amherst, là, si je peux reprendre ça. Ah non, ça se fait pas, ça, c'est Baudry Sainte-Catherine. Et puis, donc, sinon, ce qui se passe, c'est qu'on va écouter les extraits, parce que eux autres, ils parlent un petit peu mieux que moi de ça. Très mauvais le film, un bon moins 8. On dirait un film de rock de merde. Ah! Oh, Megan, pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi? Je voulais pas que tu crois qu'à cause de ton mariage, on allait t'oublier à la maison. Petite sœur, t'as une drôle de façon de montrer ton attachement. Vous êtes prête, mes chippies? Messieurs, je vous présente le laser HL2000. Il peut atteindre n'importe quelle cible. Conçu grâce à la nouvelle technologie au laser SDI, le pouvoir percutant de cette arme nouvelle pourra détruire toute autre machine jamais construite auparavant. Veuillez me suivre. Vous venez de voir l'une des deux fonctions du HL2000 de McMahon Enterprise. La première arme laser holographique au monde douée d'intelligence. Permettez-moi une autre démonstration. Vous voyez, le faisceau m'a reconnu. Pourquoi ? Parce que nous avons développé un microprocesseur qui est si petit et si rapide qu'il est capable de transmettre l'information plus vite que jamais auparavant. Nous sommes en mesure d'enregistrer l'empreinte oculaire de chaque soldat qu'on envoie à la bataille dans l'ordinateur de cette arme. Résultat, quand on tire, elle devient une sonde qui est capable d'identifier sa cible, qu'elle soit amie ou ennemie, et ce, quelle que soit l'angle ou la position de cette dernière. Mais si l'empreinte oculaire ne correspond pas aux données de l'ordinateur interne, c'est fantastique les bruits d'ordinateur qui en background, je pense. Ce MIG n'existe plus. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Ok, je rallume les micros, on va laisser le petit castor en background, c'est pas très très intéressant, puis Yolo Molo nous ont assez magané le cerveau avec ça. Jean-Bastien, tu vas nous parler de la prochaine toune, qui est la deuxième. Merci, René. Alors, non, moi, c'est Tommy. Ah, Tommy. OK, d'ailleurs, Tommy. Non, c'est ça. C'est un sketch qu'on a fait dernièrement, justement, le 16 décembre au Café Campus. C'est un sketch, généralement, on s'en sort bien, même si c'est pas vraiment notre style parce que... C'est des jokes de bar, là. C'est des jokes de bar. C'est pour réveiller le monde prendre un verre. Puis, tu sais, c'est quelque chose pour démarrer un spectacle dans un bar, là. Oui, voilà. c'est ça. Fait qu'à la maison, ceux qui nous écoutent, là, ben, débouchez-vous une bière, puis faites comme si on était dans un bar. Allez vous accoter, ça. Ah ouais, allez vous accoter sur votre table. Exactement, puis sniffez une bonne ligne. Bon, fait qu'on vient de parler des vraies valeurs, et on commence le sketch. Il n'y a pas un titre, c'est en l'honneur du Café Campus. Ben, quoi ne pas faire pour croiser une fille dans un bar? Quoi ne pas faire? Excellent. Pascal, tu nous reviens avec des commentaires là-dessus. Parfait. Et c'est la bonne traque, là. Dans l'entraque. Je comprends. Les gars, est-ce que vous trouvez qu'on a les plus belles femmes au monde ici au Québec? Yeah! Est-ce que vous trouvez que vous êtes les femmes les mal posées au monde? Yeah! Je comprends qu'on trouve que c'est ça, parce que dans le fond, on a fait quoi? Ça fait 6 ans qu'on fait des bars, moi pis Guillaume. Exactement. Pis ici, on s'est dit à soir, on veut venir à la rescousse des gars parce que notre crédibilité est en jeu, tu sais. Pis y'a des gars qui causent comme des pieds, pis on en a vu une couple se planter solide, là, tu sais. Pis il faut le dire, là, on a vu, là, on a vu, là, on a vu. Pis à soir, on a regardé des. Non, mais à soir, on a ramené des trucs pour vous autres, les gars, pour vous pratiquer, finalement, à pas faire ça. Hein, parce que c'est bien important, parce que les filles, là, ça marche plus, ça. Ah, faut rire de nos erreurs, les gars. On a tous fait un peu des conneries, tu sais. Puis nous, on a un meeting pot de toutes les conneries que les gars ont faites. Fait que premièrement, vas-y pour Guillaume. Ben justement, y a des choses qui sont pas vraiment efficaces pour ramener une fille à la maison. Admettons, tu chauffes ton char, OK? Puis là, tu vois une fille au loin, OK? Ça sert à rien de klaxonner après, OK? Parce qu'une fille qui se fait klaxonner après, j'ai jamais vu ça, moi. Se dire, mais mon Dieu, c'est peut-être l'homme de ma vie. Oh, attends, homme de ma vie, en déposant sa brassière, tu sais. Parce qu'on parle pour toi, moi, une fois, la fille est rentrée, tu sais, puis ça arrive, franco-ontarienne, catch pas trop ça, tu sais, québécois. Fait qu'elle s'assoit dans le char, tu sais, moi, j'avais pas vraiment un char pour creuser, là. J'avais une Hyundai, puis c'était à peine, ça partait le matin, là, tu sais, ça partait. En tout cas, whatever. Fait que moi, j'ai dit, je vais miser sur mon stéréo, hein. Fait que mets 10, mais là, les gars, là, faut vraiment éviter de faire ça, puis mettre un 10 de même, OK? Par exemple. T'es pas en train de chauffer, toi, là? Chris, c'est vrai, chauffe-moi! Là, quand tu te rends au bar, parce que c'est là qu'il y a pas mal de filles, hein, fait que c'est une bonne place pour creuser, là, t'es rendu au bar, OK? Tout dépendant, on peut offrir des consommations, c'est toujours bien vu, les filles adorent ça, c'est très gentleman. Ça envoie un petit message aussi, tu sais. Exactement, qu'on est intéressé, c'est très bien vu, c'est correct, mais toutes nos consommations qu'on prend reflètent un peu notre personnalité. Exactement. Donc, c'est primordial et crucial de ne pas offrir au barman de dire « Hey, check, donne-moi donc deux Laurentides de tablette. » Ou bien, oui, les gars, c'est bon de s'ouvrir à la fille, parler de ses sentiments, partager ses valeurs avec. Comme moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais un gros tripeux de Calimero. Je crois qu'il a des belles valeurs. Toute sa vie, il a gardé sa coquille parce qu'il était fier d'être un oiseau. Moi, j'ai fait pareil. Fait que j'ai gardé avec moi mon cordon ombilical. Il y a des choses qui sont fondamentales. Ouais. Tu vois la fille, t'as trouvé cute. Il y a des choses qu'il faut pas dire. Mettons, t'en regardes, faut pas y dire « Hey, est-ce que t'as sur le bord de la bouche, tu as une moustache ou un petit verre? » C'est bien important, quand tu parles avec la fille, puis là, tu vois, t'en regardes, ça c'est bien parti. Faut pas que tu commences à te gratter et faire comme « Chris, voyons, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai la noune qui me fait? » Ouais, si t'as une noune, dis-le pas si t'es un gars, c'est bien. Important de ne pas rajouter. Il me semble que je t'ai déjà vu quelque part. Là. T'es une fille connue, là. Tu passes à la TV. Non, non, t'es fou. Tu passes à la TV. Tu m'as dit quoi ton nom? Ah, Carla Molka. C'est elle qui te ressemble. Fait que si tu le sais, puis la fille, elle a pensé le positif, c'est parce que c'est bon. Puis, tu sais aussi, bon, un moment donné, tu vois que ça s'avance bien, t'aimerais ça la revoir, cette fille-là, ben tu veux l'inviter, mais calisse ta chienne de l'inviter. Fait que tu y vas subtilement, tu sais. Les gars, on est bons là-dedans, mais des fois, vous êtes hostiques, c'est mauvais, là. Tu sais, comme par exemple, hey, je vais enlever ça de même, t'en as-tu ça, toi, le cosmodon? C'est elle, ton oui, c'est parce que c'est tellement par là, mais pas encore une fois. Mais jamais là. Non, non. C'est là qu'elle a pas de suisse, ça. Non, excusez-moi, on va faire un fait, là. Mais justement, encore dans les phrases, pour finir une phrase, là, c'est important, mettons, tu rencontres la fille, ça va super bien, plein de points en commun, ça. Mais une conversation profonde se finit jamais comme... en tout cas, by the way, c'est quoi le nom de ta chum d'affaire avec les gros tontons là-bas, là? Hein? Puis comme, bon, ben là, tu sais, ça en vient, ça... S'en vient chez vous, tu sais. Tu le sais que t'as un pas de franchi de plus. Fait que là, c'est le temps un peu de dévoiler tes petits côtés secrets. Tu sais, tout le monde, les gars ou les filles, même les filles, on collectionne de quoi. Mais les gars, si jamais demandé, ça vous arrive de collectionner, mettons, des ongles d'orteils. Fait que ça peut-être pas prendre un livre pour montrer. Regarde, c'est ce qu'il faudrait. Une très bonne année, c'est une petite idée. OK, là, mettons que t'as pas fait aucune erreur. Là, on est rendu à l'étape cruciale du premier French Kiss. Tout le monde se rappelle de son premier French Kiss? Non. Avec sa grand-mère? Ah, ben moi, j'ai des mauvais souvenirs, excusez. Ben, t'es morte, là, mais... Ah, t'as fait chanter parce que oui, fait que j'ai pas beaucoup de Non, t'as... Ben, je t'avais baqué. Ben, ça faisait mal, non? Ben, bonne idée, qui, là, ça fait... On va couper ça au montage. OK, non, by the way, rendu là... Là, il y a une bonne French Kiss. La fille est près de toi, OK? Vous êtes arrivé pour vous embrasser. C'est vraiment crucial de ne pas faire... Hey, wow, c'est un petit sauce, ça! Oh! C'est cool! Là, la fille, tu sais, elle est vraiment prête. Elle est dans le lit. Elle est un petit peu partie. Elle t'a envoyé un message. Puis elle est là. Ah, Jean-François! Ah, Jean-François! Ah, Jean-François! Ah, Jean-François! Ah, Jean-François! Ah, Jean-François! Ah, Jean-François! Ah, Jean-François! Nous, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait dans ce temps-là. Fait que c'est important de pas dessiner un nuage, genre un cumulus stratus. Ça marche pas, je vais essayer. C'est pour ça que t'as jamais regardé non plus. Hein? Les femmes, on sait toutes, adorent les sorties au cinéma, les restaurants, les fleurs et chocolat. Les bijoux, puis les déclarations d'amour aussi. Hein. Fait que c'est important de faire des déclarations d'amour qui ont de l'allure, tu sais. Comme par exemple, faut pas se mettre à quatre pattes, comme ça, hein? Admettons. D'y aller avec une partie de ton corps, hein? Non, mais d'y aller en premier avec une chanson. Avec une chanson connue, OK? Avec une voix de Gollum, OK? Ça, c'est dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, là. Ah, non, presque. Lui, OK? Imagine que tu prends cette voix-là, en mettant en quatre pattes, en faisant une déclaration avec ton urette! Genre... Oh, mais c'était tout, hein? On est du fun, hein? C'est des notes, là. Hey, mais est-ce que vous aimez le show de Dave à soir? Ah, Chris. Je vais répondre. Et voilà, c'était votre heure de gloire, les gars. Ouais. Ouais, faut expliquer que. On vous l'avait expliqué, c'est assez, les explications. Non, mais je pense qu'il faut qu'on fasse une mise au point parce que, tu sais, dans le fond, ça, c'était vraiment, tu sais, pour s'amuser. On a fait ça à la maison de même. Arrêtez, mais... c'était pour pratiquer le sketch, pour l'écouter, qu'on se rappelle de nos lignes. Puis c'est ça, finalement. Mais je pensais jamais que ça passerait à la radio parce que c'est pas très. C'est pas ce qu'on fait d'habitude. Non, là. C'est ça. Fait que c'est fini l'auto-justification. Oui, merci. Okay. Oui, moi, j'ai trouvé ça drôle, puis c'était bien correct, puis ça montre que vous avez un grand registre. Oh. Mais moi, j'ai déjà turné on une fille super gros en disant c'est quel ton ami avec des grosses boules? Ah. Elle s'est dit waouh, t'es racé, t'es. Cultivé. Simon, vite, je vais mettre ta toune des Poppy Rock que tu m'as demandé de placer. Là, mets-la tout de suite. Tu veux que je la parte maintenant? Absolument. En la gloire de tellement de beaux mondes qui ont participé à des choses tellement grandes dans le monde. Et puis la race humaine qui est une race tellement pleine de bons côtés. Je me virilise. Fait que je vais baisser le volume. Tu vas nous parler de ce que tu voulais parler. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on l'écoute cette année. Hein? Ah, ben on a fait une recherche, hein, parce que moi je travaillais sur la pensée de la semaine, la vraie de vraie pensée de la semaine. Puis je suis tombé sur Hip-Hop et Rock. Les auteurs, ça a été Caroline Bouffard et Monique Saint-Onge. Ça a duré de 84 à 90 à Télémétropole. Dans ces années que ça a duré, il y a eu 6 réalisateurs différents. Alors on se rappelle tous, hein, que dans un quartier de Montréal, durant les années 50 et 60, les Stardust. Alors, un groupe de jeunes musiciens composé de Carlisle Miller, Sidney Freund, Dominique Messier et le très sensuel Joey Tardif. Oh. Ça, c'est un vrai groupe, là. Okay. Jouait du rock'n'roll dans les ruelles, dans un garage voisin du snack bar de M. Popol. Le snack bar qui s'appelait Pop et Rock. Alors, ce restaurant servait de point de rencontre aux Stardust et à leurs amis. Au fil des ans, le répertoire du groupe évoluait. Les musiciens continuaient à remémorer aux parents les succès de leur jeunesse et apprenaient aux ados de l'époque que c'était le bon vieux rock, une musique qui a marqué des décennies. Qui jouait là-dedans? Isabelle Truchon dans le rôle de Manon, Gilles Girard dans le rôle de Pinceau, Thomas Gratton dans le rôle de Bouboule, le physique de l'emploi. Parlant de Marie Soleil, Sébastien Touga jouait le rôle de Pierrot. Encore plus surprenant. La boucle est bouclée. Ouais. Voilà, la gang est là. Non, ça se poursuit. Gildor Roy jouait là-dedans. Il avait le rôle de Jerry. Et dans le rôle de Popol Smith, comment oublier Roger Michael? Comment oublier? Fait que la pensée. Mais la pensée, dans le fond, c'est qu'avant, là. Avant. C'était bien plus rock'n'roll. Le monde était plus rock'n'roll. Il pensait rock'n'roll. Ça tripait rock'n'roll. La musique, c'était du vrai rock. Avant, c'était presque une religion, une façon de vivre le rock'n'roll. La sœur, c'est une page couverture de magazine. Rien. Tu sais, les parties étaient rock'n'roll. Le monde, tu sais, ça vivait rock'n'roll. Mais c'est ça. J'ai une toune sur un party très rock'n'roll qui a été faite par mon frère François et son groupe de Brain Dead. On va écouter, tu sais, Twin Bush, puis on vient pour le mot de la fin à 70%. Parfait. Gros jambon. Ouais, ben on l'enlève, là. Tu sais, Twin Bush, des gars de la BTB. Le ciel éclaire à soir, les toi, mon frère. Hey, hey, on va faire le party. Oh yeah. Oh yeah, on va se la saouler. Hey, le boss, quoi? Viens donc pas m'écœurer. Parce qu'à soi, c'est nous autres les boss, puis on va fêter. Toutes les coupes matchées, y'a ceux qui ont compris, au chum est ben pacté, pis y'a ceux qui ont mal vieilli. Bienvenue sur le coin de mon feu, tire-toi une bûche mon vieux, tu vas voir que dans y'a rien de mieux qu'une bière, un joint, la gang, un feu. La gang, c'est la gang, puis les chums, c'est les chums. Mais voilà, problème, ici, mon lecteur MP3 qui vient de tomber par terre. Oh, la tourne est finie. Ouais, la tourne est finie. Oh. Mais je pense qu'il bouge plus, hein, mon lecteur MP3. Je pense qu'il est mort. Il a jamais bougé. Bon, on est quand même rendu à la fin de 70%. Je pense on est à 3-4 minutes. Tu veux-tu dire un petit quelque chose avant qu'on laisse nos amis faire le petit bye-bye? Peut-être, si vous avez encore un petit peu de concentration en vous. Ben, c'est ça, ouais, c'est... Un petit peu de concentration en vous. On pourrait vous parler de pogonophobie. Est-ce que vous connaissez la pogonophobie? La peur des pogos. Non, ce n'est pas la peur ni des pogos ni des hot dogs. La pogonophobie, c'est une maladie qui est rare, qui est moins connue que la phobie des araignées et des serpents, évidemment. C'est la phobie des barbes. Et cette phobie peut rester inexprimée ou fonctionner à bas bruit dans notre fort intérieur, en dedans de nous, et ce de façon secrète, n'est-ce pas? On devine évidemment sans peine l'interprétation qui peut en être donnée compte tenu du caractère sexuel évident. Évident. Qui est lié à cette peur. Donc, pour certaines femmes, il est inenvisageable d'avoir des rapports proches avec un barbu. On peut être tenté de penser qu'elles refoulent ainsi leur homosexualité latente. Ah, lesbienne. Peut-être. Dans le fond, est-ce que c'est le docteur Mayo qui a dit ça pour justifier le fait qu'il n'y a aucune fille qui veut sortir avec? Ou... Puis qu'il y a une barbe. Non, non, non, c'est un gars encore plus débile que lui, c'est le docteur Kraft Ebing. Ah, il n'est pas débile! Hé, hey, je m'excuse. En tout cas, ben, lui, il écrit Psychopathia sexualis. Que l'on retrouve dans la plupart des cours de sexologie et de psychologie à l'école. Bon, mais lui, il aborde la question de la barbe sous un angle intéressant. Mais bon, tout ce que dit M. Kraft-Ebing doit être lu avec des pincettes, n'est-ce pas? Parce que ce médecin, il raconte les pires perversions qui soient avec la plus grande indifférence. Mais il est bon, son livre. Mais il perd complètement son sang-froid quand on parle de couper. Quand on parle des coupeurs de nattes, par exemple, il souhaite explicitement qu'il soit éliminé de la société. En tout cas, les coupeurs de quoi? Coupeur de nappe. Ça, c'est une autre chronique la semaine prochaine. Ah, Tommy. Merde! Ça va être une semaine pour savoir ben que ça vous reviendrez, les gars. Donc, il y a plusieurs raisons, n'est-ce pas, pourquoi les gens refusent la barbe. La première, c'est pour des raisons hygiéniques, n'est-ce pas? Quand des morpions. Oui, c'est ça, des micro-organismes qui peuvent les coloniser. Il va falloir que tu fasses ça vite, sinon il nous reste une minute pour faire des babayes. C'est pour ça qu'on revalorise les imberbes. Alors, il y a également l'interdiction de la barbe pour des raisons tactiques, n'est-ce pas? Quand on dit tu me tiens par la barbichette, dans un combat rapproché, c'est comme la barbe du barbare devient un talon d'Achille, n'est-ce pas? Bon. Et voilà. Il y a aussi l'envie de couper la barbe pour des raisons symboliques. De toute façon, moi, j'ai tout le temps dit qu'un barbu, il ne faut jamais s'y fier. C'est tout des menteurs. L'interdiction de la barbe pour des raisons politiques, c'est le Pierre Ier, le grand tsar de Russie, qui a fait interdire ça, tout comme les nains. Bon. Ainsi que la méfiance envers les barbus, qu'ils soient islamistes, sikhs, talibans, juifs, orthodoxes ou tout ce que tu veux. Et puis, c'est la fin. Mais bon, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec comme quoi que c'est des menteurs, ceux qui ont la barbe. Moi, j'ai demandé au Père Noël d'avoir un cheval. Il m'a dit oui. Jamais. Guillaume, Jean-Pierre, Jonathan, Pascal et Saumon, merci à tout le monde. Merci à toi. C'est votre temps pour le dernier bye-bye. Ben oui, bye-bye. Salut à toi, Marcel.